L'actualité à Nancy et ailleurs. Les 6 et 7 septembre, Morey accueillera la 4e édition du Festival Musicart, un week-end consacré à la musique et aux arts, entre concerts variés, créations en direct au cœur du château et de l'église du village. Pour en savoir plus sur cet événement, nous accueillons Guy Bourget, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes président de Musicart Vélo. Oui, tout à fait. Un heureux président qui attend cette 4e édition avec impatience. Oui, et nous espérons qu'il y aura le soleil pour cette 4e édition. D'ailleurs, comme ça avait été le cas l'année dernière, même si la pluie s'était un tout petit peu invité en fin de première journée. Alors rappelez-nous un peu comment bien présenter ce festival et un peu l'esprit de cette 4e édition. Cette 4e édition s'inscrit tout à fait dans l'esprit de la 3e, de celle de l'année dernière, qui a été une belle réussite. Et puis les encouragements du public nous ont motivés à préparer cette 4e édition. Alors parlez-nous un peu de cette programmation entre concerts, présence d'artisans, des expositions, des ateliers. C'est ce qui fait aussi la particularité de ce festival. Alors tout à fait, effectivement, c'est un peu notre signature, cette unicité de la diversité, qu'elle soit musicale et artistique, avec 10 concerts placés sous le signe, comme je l'ai dit, de la diversité musicale, du classique au swing, en passant par la musique traditionnelle, le jazz, le gospel, la chanson française et internationale. Alors il y a bien sûr des groupes, je ne vais pas citer tout le monde, il y aura Quatuor à cordes Orpheus, composé de professeurs du conservatoire du Grand Nancy, pour un voyage musical au travers de la musique de Jean-Sébastien Bach, mais pas que, avec des choses plus contemporaines. Le trio Cordes en stock pour un voyage, lui, musical en Suède et dans le temps, avec la découverte de la nickelharpa, un instrument d'origine suédoise et qui est fabriqué aujourd'hui à Mirecourt, notamment par M. Jean-Claude Condy, qui fait partie de ce trio. Une soirée swing avec le High Jive Sextet et son swing des années 20 et 30. Ce groupe a fait l'ouverture du Métropholie pour les 100 ans de l'art déco, organisé par la métropole du Grand Nancy. Il sera accompagné de 2 couples de professeurs de l'association Cap Danse pour une démonstration de Charleston, Balboa et d'autres danses. Je n'oublie pas une fanfare de rue, le groupe Mesdames, un groupe de chansons françaises, et puis le duo Camille qui clôturera le festival d'un côté musical. De la musique, mais aussi donc la présence de 40 artistes et artisans d'art. Ça, c'est toujours important aussi. Tout à fait. Et alors, là encore, ce que je disais, ce qui fait notre festival un peu unique, c'est cette diversité. Il y a des peintres, des photographes, des céramistes, des plasticiens, des sculpteurs, mosaïstes, feutrières, créateurs de bijoux. Donc 40 artistes et artisans des métiers d'art. Et puis également des expositions et des ateliers qui seront animés par des artistes, ateliers pour petits et grands. Donc, c'est important de garder cette interaction justement entre les artisans et le public. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et Madame Isabelle Pétainieff proposera des ateliers autour du verre. Madame Sabina Wilk Algral, elle, fera découvrir dans le pigeonnier la technique du cyanotype, procédé photographique ancien. Et Madame Catherine Prioli, elle, qui est mosaïste, proposera au festivalier de réaliser une œuvre collective sur le thème de Music Art. Donc ça, c'est une surprise pour nous. Des surprises, il y en aura bien sûr, et toujours aussi dans des lieux que vous faites découvrir maintenant depuis 4 éditions, et là, ce sera bien sûr le château et l'église de Morey. Tout à fait, des lieux qui sont chargés d'histoire, hein. Le château de Morey, 9 siècles d'histoire, tel qu'il existe aujourd'hui, construit au XVIe siècle, et qui a été entièrement détruit en 1985 par un incendie. Il a été abandonné pendant 8 ans et aujourd'hui, la famille Kartz, qui est propriétaire de ce château, qui a repris ce château, lui a fait retrouver toute sa superbe à peu près de 30 ans de travaux successifs. Et puis l'église du village de Morey, qui est une église romane construite au XIIe siècle. Et cette petite église aussi, elle, avec l'appui de la Fondation du patrimoine de la région et de la commune de Bello, a aussi retrouvé, a pu réouvrir après des travaux qu'il fallait faire pour permettre sa réouverture. Et donc après 3 éditions, vous l'avez dit, le public commence à devenir fidèle, parce qu'ils reviennent aussi, vous touchez aussi vraiment des publics différents. Notre festival s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux parents, aux grands-parents, et puis puis à la fois des personnes, un public qui se situe sur notre territoire. Hein. Nous sommes au cœur de la Seille et Grand Couronné, donc en milieu rural, mais pas que, parce que nous ne sommes pas si loin que ça de Nancy, de Pont-à-Mousson. Hein. Nous sommes à une vingtaine de minutes en voiture de Nancy, et donc on touche aussi un public qui est proche de notre territoire. Voilà, le Festival Musicart, c'est les 6 et 7 septembre au Château de Moret et l'église de Moret également. 10 concerts, 40 artistes et artisans d'art, une programmation très riche et toujours très accessible. Hein. L'entrée, le tarif, c'est 5 euros pour la journée, c'est ça? C'est ça, 5 euros par jour. Elle permet l'accès à tous les concerts et à toutes les expositions, et l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans. Et j'imagine qu'on peut se restaurer sur place. Tout à fait, il y aura une buvette et restauration. Vous êtes président, mais vous n'êtes pas tout seul à gérer tout Absolument. Ça. Absolument, il y a des bénévoles, ouais. Il y a toute une équipe qui a travaillé toute l'année, j'allais dire, pour préparer ce festival. Et puis, nous mobilisons une 60aine de bénévoles pour ces 2 journées. Et on va vous souhaiter le soleil pour les 6 et 7 septembre. On vous remercie et nous attendons le public nombreux, et effectivement, comme vous le dites, avec le soleil. Et on rappelle qu'il y a un site internet aussi où on peut retrouver toute la programmation, parce qu'on a été très vite, bien sûr. Le site, c'est www.musicartbello.com. On retrouvera bien sûr tout ça sur le site internet de la radio. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.